et des pieubés. Rappeurs en ton car finissent dans le cello. Toujours dans les bails noirs dans la selle, hein. J'arrête pas alors que je pense à la télé. C'est dans mon flash que je noie ma peine. Ma mère cache une calache sous son pagne. En promenade tu te la pètes, mais tu fais le yo-yo pour des paquets de pâtes. Pourquoi tu gesticules? Higo pour toi j'ai le geste qui tue. Pourquoi tu gesticules? Higo pour toi j'ai le geste qui tue. Pourquoi tu gesticules? Higo pour toi j'ai le geste qui tue. Bah ouais. Pourquoi tu gesticules? Higo pour toi j'ai le geste qui tue. Bah ouais. Et si tu marches tu t'affirmes, sache que c'est en que tu produis sa ville. Le brolic sur la ceinture, ça part en couille, là les problèmes ça dit. Nous on ferme la bouche à sa paque et sa pile pour pouvoir s'en sortir. Préviens l'avocat, j'ai un dépôt, peine, problème. Ah gogo, ah gogo, ah. Tout le monde est à gogo. Ah gogo, ah gogo, ah. Tout le monde est à gogo. Ah gogo, ah gogo, ah. Ah gogo, ah gogo, ah. L'esprit coule à flot quand je vais me noyer. Je serai le sang du rap, là ça le noyau. Si je bicrave tout ce qu'il y a dans mon cahier, je m'achète un lambeau ou deux, trois cahiers. Sera ça, je suis tricératop qui baisse tous ces rappeurs. Ouais, ils sont tous rincés, c'est intéressant, ils ont le Flaubert Teresa. Je me la raconte, sa mère, Salem, ses salopes s'allongent sur le soma. Ils ont tous le seum, comprennent la semence, ils ont besoin des salés. Comme Gino, ils reviennent tous ceux qui m'ignorent. Comme Gino, ils reviennent tous ceux qui m'ignorent. Et si tu marches, tu t'affirmes, sache que si on te tue pour du saphir. Le brolic sous la ceinture, ça part en couille, là les problèmes ça tire. Nous on ferme la boca, ça va que ça dilait pour pouvoir s'en sortir. Préviens la boca, j'ai un dépôt, peine, problème. Ah gogo, ah gogo, ah. Tout le monde est à gogo. Ah gogo, ah gogo, ah. Tout le monde est à gogo. Ah gogo, ah gogo, ah gogo. Google.